Le doute, c'est pratiquement ce qu'on sait faire de plus beau. Il y a tellement de diversité, tellement d'intelligence. La matière et ses atomes. C'est le moment où véritablement quelque chose a lieu. Et ce procédé devait mener à la séparation du chlorure de radium. Néandertal était différent, et pourtant si proche d'Homo sapiens. L'homme de Néandertal est notre cousin. Il a disparu de la surface du globe il y a 30 000 ans. Et nous, Homo sapiens, en portons des gènes. La découverte est récente. C'est Marilène Patoumatis qui va raconter aujourd'hui nos proches ancêtres. Elle est l'une des plus grandes spécialistes françaises du sujet. L'homme de Néandertal qui a vécu plus de 200 000 ans en Europe et en Asie centrale est sa passion. Marilène Patoumatis est préhistorienne, directrice de recherche au CNRS. Elle est la commissaire de l'exposition Néandertal L'Expo qui se tient actuellement au Musée de l'Homme à Paris et elle signe le formidable Néandertal de A à Z paru chez Alary Édition. Si l'homme de Néandertal a perdu son image de brute épaisse, d'être inférieur, c'est grâce à Marilène Patoumatis. Les Aventuriers, une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. En 1856, lorsqu'on a découvert les ossements de ce qui va devenir l'homme de Néandertal, donc on est près de Düsseldorf, en Allemagne, on ne savait pas que c'était des os humains. Déjà, on a cru que c'était des os d'ours des cavernes. Et ensuite, on ne pouvait pas imaginer que c'était des restes d'un homme ancien. Puisque à l'époque, évidemment, il n'y avait pas eu l'évolution, donc développée par Darwin. On était dans le créationnisme. C'était Dieu qui avait créé toutes les espèces. Et donc, on ne pouvait pas imaginer qu'il existait des hommes fossiles. Alors justement, les savants, qui étaient à l'époque surtout des médecins, analysaient les ossements, ont reconnu que c'était des restes humains. Mais on dit... puisqu'ils ne pouvaient pas dire que c'était des fossiles, on dit, en fin de compte, ce sont des restes d'un homme moderne qui était malade, c'était un crétin, ils ont parlé d'un cosaque égaré qui était venu mourir là, et vraiment, c'était un homme moderne pathologique. On n'a pas reconnu un homme ancien. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de débats, des fois assez virulents, parce que justement, il y a une discussion. Est-ce que l'homme, tel qu'on le connaît, a eu des ancêtres? Est-ce qu'il y avait des fossiles? Et donc, à l'époque, on avait du mal à trouver une réponse. Tout va changer avec la publication en 1859, donc de Charles Darwin sur l'évolution des espèces. Ça va être très important. On va dire qu'il y a deux publications de Charles Darwin. Bien sûr, tout le monde connaît celle de 1859, qui va, en fin de compte, exposer la théorie de l'évolution. C'est-à-dire que, au cours du temps, les espèces vont évoluer. On n'est plus dans la création par un dieu. Et aussi, la deuxième publication, c'est 1871. Et là, c'est important. Pourquoi ? Parce que c'est là, dans cet ouvrage, que Darwin va dire que l'homme et le singe ont un ancêtre commun. Et ça aussi, ça va changer tout. Parce qu'on va partir à la recherche du chaînon manquant. Certains chercheurs vont penser que l'homme de Néandertal a trouvé donc dans la vallée de Néander, en Allemagne, et ce chaînon manquant. Alors le pauvre, après avoir été qualifié de crétin, là on va le qualifier d'homme singe. Après, vous savez, le 19e siècle est marqué par une colonisation importante et aussi par une classification et surtout une hiérarchisation des races humaines. Et donc, c'est à cette période où on va avoir cette classification avec le plus proche des singes, tous les aborigènes, les noirs, les jaunes, etc. La fameuse classification, où bien entendu, tout en haut, c'est l'homme blanc. Pas la femme, elle est un petit peu en dessous. C'est l'homme blanc. Et donc, on est dans cette vision. Et dès qu'on va commencer à considérer que c'est possible qu'il y ait des hommes fossiles, qu'on ait eu des ancêtres très lointains, ben on va faire la même chose. On va hiérarchiser. Et évidemment, le pauvre Néandertal, il va être très proche des singes, rapproché du gorille. Au niveau des outils, au départ, c'est des analyses qui sont moins sophistiquées que maintenant les préhistoriens ne le font. Et donc, on va voir, à ces périodes-là, on va avoir des outils assez fous. C'est-à-dire que c'est des pierres sur lesquelles on a tapé deux pierres ensemble, qu'on a dégagé un tranchant pour pouvoir couper, les utiliser, par exemple, pour couper la viande. Et ça va être quelque chose qui va être considéré comme peu élaboré, évidemment, puisqu'on va les considérer à la technologie de l'époque. Et donc, ça va vraiment, pour eux, les inciter à les mettre dans des sociétés peu civilisées. Les fouilles s'intensifient, on trouve de plus en plus de matériel, de plus en plus de restes humains, et aussi de différentes espèces. Et là, on va voir des objets qui sont encore moins, des pièces qui sont encore moins, au niveau technologique, moins élaborées. Et donc, de ce fait-là, à un moment donné, Néandertal, il va reprendre un peu du poil de la bête, et on va dire oui, en fin de compte, c'est pas si mal, et il taille très bien, et bien sûr, on va, à un moment, appeler ça une technique qui lui colle vraiment à la peau, qui est la technique Levallois. Donc, c'est pas vraiment l'inventeur, mais c'est quand même lui qui va vraiment développer, perfectionner cette technique Levallois. Alors, la technique Levallois, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que dans votre pierre brute, vous allez déjà penser à l'outil que vous voulez. Si je veux un racloir pour racler les peaux, une peau de renne par exemple, j'ai l'outil dans ma tête et je sais les gestes que je dois effectuer pour arriver à mon racloir. Donc il y a quelque chose qui est important, parce que ça montre que dans le cerveau, il y a la mise en acte de différents gestes qui, du brut, va aller à l'objet fini. Donc par exemple ici le racloir. Maintenant on s'aperçoit, contrairement à ces périodes du 19e et début 20e, qu'il avait vraiment beaucoup de techniques différentes pour tailler ses outils et ses armes. Maintenant, on a beaucoup de sites néandertaliens. Alors, évidemment, on n'a pas toujours la chance de trouver des restes humains. C'est quand même exceptionnel, même si maintenant, on en a plus de presque 400, voire plus. Et là, grâce à l'augmentation de tous ces vestiges, on sait beaucoup plus de choses. On retrouve la préhistorienne Marilène Patoumatis juste après Art Mengo qui chante Grand Ciel sur France Inter. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand pour être vite noir de monde, à chacun son bouquin. On joue diable à la ronde, ou bien rien, ou bien rien. Du bleu des satellites, des nuits météorites. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand pour que chacun dans son coin plonge au fond du zodiaque. Il trouve un strapontin, un fauteuil, un hamac pour regarder passer les gens passer. Entre sol et soleil, y'a le ciel, y'a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y'a le ciel, y'a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand pour cueillir en son sein le bonheur, la misère, des avions, des dessins, Apollo, des prières, les paroles d'hirondelles et celles des aigles scènes. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand pour décider tout seul s'il sera rouge ou gris. Tant pis pour ceux qui veulent en faire mauvais la vie. Moi je crois qu'il est changeant. Combien des sentiments entre sol et soleil, y'a le ciel, et des vents qui s'emportent, des tas de lettres mortes. Entre sol et soleil, y'a le ciel, et midi à sa porte, ou bien minuit, qu'importe. Croyez-moi, il est grand, grand le ciel, assez grand pour noyer des rivières de prières, grand Seigneur. Dans la couleur de l'air, y a les premières roses. du Big Bang de l'amour. Lui marche sur du velours. Croyez-moi, il est grand dans le ciel assez grand. L'homme de Néandertal, on le sait maintenant, enterrait ses morts et avait des pratiques symboliques. Il était, selon la préhistorienne Marilène Patoumatis, à la fois différent et proche de nous. Les méthodes modernes permettent de mieux l'approcher. Alors c'est vrai qu'il y a des découvertes qui ont marqué l'histoire de Néandertal. Déjà, ça a été important qu'on reconnaisse bon, que c'était déjà un humain. Hein. Qu'ensuite, il y ait ce côté... de technologue, de pouvoir tailler ses outils d'une façon adroite, etc. Là aussi, c'était important. On a toujours quand même, quelque part, regardé Néandertal comme quelqu'un d'inférieur. Et donc, qu'est-ce qui sépare Néandertal de nous? Pour beaucoup de gens, c'est les pensées métaphysiques et les pensées symboliques. Et donc, pendant très longtemps, on a refusé à Néandertal des pensées métaphysiques, sans parler du langage articulé. Parce que là, je peux vous dire que ça a fait couler beaucoup d'encre, tout le monde s'est disputé en disant il n'en avait pas, oui, il en avait et tout. Évidemment, pour moi et pour beaucoup de mes collègues actuellement, il avait un langage articulé. Ça, je veux dire, ça devient clair, surtout avec la génétique qui a montré la présence du gène FOXP2, qui est chez nous associé au langage. Donc, il y avait ça, parce que le langage, ça aussi, c'est typiquement humain. Donc, pendant très longtemps, on a refusé à Néandertal un langage articulé, comme s'il ne faisait que des bruits, des sons. Fin. Et la deuxième chose, c'est bien entendu enterrer ses morts. France Culture, le 21 décembre 1987, l'historien Pierre Chaunu. Le temps, ça part d'un trou, puis ça conduit dans une autre béance. Et ça, les animaux n'ont pas ce problème. C'est l'homme achevé qui a ce problème. Et nous le savons, comme par hasard, d'ailleurs c'est à ce moment-là que l'on trouve les traces. Les premières tombes, 45 000 ans, peut-être à la rigueur 50 000 ans, pas plus. Sur les 5 ou 6 plus anciennes tombes attestées par le carbone 14, il y en a 3 qui sont dans le quart sud-ouest de la France actuelle. Et c'est au sud de Tulle que se trouve la chapelle aux saints. C'est la plus ancienne de toutes les tombes. Ça a été découverte par un abbé, comme ça, obscur, en 1909. Alors, à la chapelle aux saints, on a trouvé ce qu'on appelle un vieillard enterré dans une petite grotte. Hein. Alors, bien sûr, il y avait la chapelle aux saints, mais également d'autres sites où on a trouvé des Néandertaliens enterrés, notamment à la Pharacie. Et la Pharacie, c'est important, parce qu'en 1912, une commission de savants, comme on disait à l'époque, de préhistoriens vont se réunir, dont l'abbé Breuil, Robert Meyer, l'abbé Boussoni, vont se réunir et vont dire... Franchement, avec la Pharacie, on est sûr que les Néandertaliens enterraient leurs morts. Donc c'est une date très importante. Ce qui est intéressant de voir dans les rites funéraires, parce que ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est pas seulement le fait d'enterrer. On peut avoir des rites funéraires qui ne sont pas liés à un enterrement. Et ça c'est important parce que chez Néandertal, notamment, on a mis en évidence bien sûr... Il enterrait ses morts, mais aussi qu'il pratiquait probablement d'autres rites funéraires. Peut-être qu'il récupérait les crânes, qu'il pratiquait ce qu'on appelle l'endocannibalisme, c'est-à-dire tout un rituel où on mange un petit bout de sa grand-mère. Et donc c'est vraiment un rite funéraire complexe. Donc il avait plein d'autres rites funéraires. Et lorsqu'on a ces sépultures, qu'est-ce qu'on constate? Que premièrement, hommes, femmes, enfants sont enterrés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des hommes ou que des femmes ou que des enfants. Donc on a tout. Tous les âges. Ça, c'est intéressant. On a même des fœtus enterrés à la Pharacie. Qu'est-ce qu'on constate aussi? C'est que parfois, eh ben, il y a quelques objets. Alors, nous, on appelle ça offrande maintenant. Mais est-ce que c'était des offrandes? On ne sait pas. Toujours est-il que ça accompagnait le mort. Et peut-être même que parfois, Il recouvrait donc la sépulture avec des pierres ou avec une grande dalle. Et des fois, il y avait un foyer aussi qui était allumé à côté. Alors, est-ce qu'il y avait tout un rite, un repas funéraire? On ne sait pas. Mais il y avait probablement quelque chose qui était plus complexe que simplement de faire un trou et de mettre ses mains. Et il est probable aussi qu'il nous manque malheureusement beaucoup, beaucoup de sépultures parce que là, on parle des découvertes souvent en abri ou en grotte. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui ont disparu à cause du temps, parce qu'ils étaient en plein air. Donc, on a un nombre assez restreint de sépultures. Quand vous parlez de ces hommes de Néandertal, vous en parlez avec une tendresse infinie. Oui, parce que je pense que ce qui m'a intéressée depuis toujours, c'est d'essayer de vraiment remettre Néandertal à sa juste place. C'est-à-dire que je me suis dit, est-ce que c'est vrai qu'il est si arriéré? Est-ce que c'est vrai qu'il est si inférieur? Et là, ça m'a tout de suite intéressée d'aller voir, d'aller sur le matériel pour voir ça. Et puis, c'était quand même passionnant parce que il y a beaucoup de choses autour de lui. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup d'écrits, il y a eu beaucoup de représentations. Et donc, on a exagéré aussi au cours du temps, on a exagéré ces différences avec nous. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'elles sont relativement minces, bien qu'elles existent. Donc c'est ça aussi qui est passionnant, c'est de pouvoir voir maintenant toutes les analyses, qu'est-ce que ça nous donne maintenant comme image de Néandertal. Il y a eu beaucoup de débats autour de l'homme de Néandertal, d'ailleurs il y en a encore. Dans les années 80, on se demandait si Néandertal était un chasseur ou un charognard. Le charognage, évidemment, donne une image très négative par rapport aux grands chasseurs, voilà. Et donc là, il y a eu vraiment tout un débat, mais aussi beaucoup de recherches. Et personnellement, j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Et c'est clair que c'était faux. Et que maintenant, on montre tout à fait que Néandertal était un très grand chasseur de grands mammifères, hein. Bisons, aurochs, même des aurochs, vous imaginez, plus gros que des taureaux de combat, hein. Donc, bien sûr, des rennes, etc., bisons. Enfin, une grande quantité de grands mammifères. Et on imagine comment il les chassait, ces aurochs? Pour moi, ça m'a toujours intriguée, parce que les Néandertaliens, au niveau de l'armement, ils n'ont pas grand-chose. Ils ont des armes qui nécessitent l'approche. Bien sûr, ils peuvent lancer, ils ont des épieux, là, c'est des stocks, mais ils ont aussi des lances. Et ces lances sont souvent en bois effilé. Il faut vraiment être à courte distance pour que ça fonctionne bien, parce qu'il faut que ça pénètre dans l'animal. Et je pense, et les fouilles archéologiques le montrent, les résultats des études, que ils utilisaient beaucoup l'environnement. C'est-à-dire qu'ils montaient des stratégies pour capturer ces animaux, des pièges naturels, les faire tomber dans des avennes, les pousser dans des endroits fermés. Donc, ils étaient piégés, en quelque sorte. Utiliser les marécages. Moi, je pense que le mammouth, par exemple, n'a été chassé que dans des conditions particulières où ils tombaient dans un marécage, on les poussait dans un marécage ou dans une fondrière. Voilà, parce que c'est très difficile de tuer un mammouth lorsqu'il se gambade dans la steppe. Donc, ça m'a vraiment passionnée. Et maintenant, je pense que beaucoup de collègues pensent comme moi, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de stratégies pour justement pouvoir se procurer cette viande de grands mammifères. Ce qui est passionnant aussi, c'est de voir que très tôt, donc bien sûr avec l'homme de Néandertal, il y a une vision de l'animal dans une globalité, c'est-à-dire bien sûr tout l'aspect alimentaire, la viande, la graisse, mais aussi non alimentaire, c'est-à-dire que tout ce qu'on va pouvoir récupérer. Parce que là, évidemment, il faut tirer tout de la nature. Et donc, de l'animal en particulier, c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, qu'est-ce que vont faire les Néandertaliens? Oui, je me prends pour une Néandertalienne. Ils vont tirer, par exemple, la peau pour faire les vêtements. Les tendons, les nerfs, les ligaments, ils vont en faire des fils et des ficelles. Ils vont prendre les os pour bien sûr la moelle à l'intérieur, mais aussi en les cassant, faire des bouillons gras. Ils vont aussi récupérer des os pour faire du combustible, hein, pour alimenter leur foyer. Donc, ils vont vraiment tirer le maximum. Et ça, c'est ça qui est très intéressant. C'est que dans l'animal, ils voient un ensemble de ressources. Depuis quelques années, là, nous avons beaucoup de chance. Pour deux raisons. Parce qu'il y a plus de matériel, de plus en plus de matériel sur lequel on peut travailler, analyser, étudier, de vestiges archéologiques. Et aussi des moyens d'investigation. de plus en plus important. Des nouvelles méthodes comme la paléobiochimie, géobiochimie. Vous avez aussi l'ADN ancien, évidemment. Donc, on a vraiment, et puis le microscope électronique à balayage, où on peut faire vraiment des analyses très fines. Donc, on a plein de méthodes qui nous permettent, là aussi, d'aller plus loin. Et on trouve des choses extraordinaires. Mais je pense aussi qu'on les trouve parce que le regard a changé. Parmi les scientifiques, hein. Je pense que majoritairement, beaucoup de scientifiques, maintenant, ne parlent plus en termes d'inférieur, de supérieur. Ça ne les intéresse pas. Là, pour nous, il faut le mettre, voilà, qu'est-ce qu'ils faisaient dans cette grotte-là, dans cet abri, etc. Et donc, ce qui est important, là, on est plutôt dans un nouveau regard. Donc, on peut concevoir que les Néandertaliens pouvaient avoir des pensées symboliques, pouvaient faire de la parure, par exemple. Et de ce fait, en regardant le matériel, eh ben, on le trouve. Parce qu'on a retrouvé des parures, on a retrouvé des dents qui ont été mises en padlock, des dents d'animaux. On a retrouvé aussi, ça c'est très nouveau et très intéressant, la récupération de plumes d'oiseaux et de cerfs. Et c'est pas n'importe quel oiseau, c'est les grands corbeaux et les rapaces diurnes. Donc des animaux porteurs de symboles forts. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'ils faisaient des cerfs? Et des plumes, est-ce que c'était uniquement de la parure? Est-ce que c'était utilisé pour des rituels? Vous savez, les chamans cousent sur leurs vêtements des plumes de rapace. Donc, qu'est-ce qu'ils en faisaient? Après, ça, on peut tout imaginer. Mais en tout cas, ils le faisaient. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est pas pour se nourrir. C'est pour faire autre chose. La grotte de Bruniquel, découverte en février 1990, décrite par l'archéologue Michel Soulier. Nous arrivons à la salle des structures. Et ici, tu as la grande structure qui fait 7 mètres de grand axe. Alors tu vois, la grande structure est constituée aussi de stalagmites brisées, rangées. Et sur l'ensemble de ces deux structures, il y a environ 400 morceaux de concrétion qui ont été cassés et rangés. Et c'est dans ce foyer que nous avons prélevé un morceau d'os d'ours brûlé. Et là, cette découverte de Bruniquel. Alors, Bruniquel, c'est dans Tarn et Garonne. Cette grotte, au fin fond de la grotte, à plus de 360 mètres de l'entrée, où on a découvert donc quelque chose d'incroyable qu'on n'avait jamais vu. Ce sont deux structures quasi-circulaires construites en stalagmites, c'est-à-dire en fragments de stalagmites. Ces stalagmites, ils les ont cassés et les ont mis en cercle au fond de la grotte. Je vous le dis, plus de 360 mètres de l'entrée. Déjà, là, c'est important. Et pénètre le moins souterrain. Et quand on a fait la date, vous imaginez 173 000 ans. C'est-à-dire que là, on est sûr que c'est Néandertal. Il n'y a pas de sapiens en Europe. Donc là, ça ne peut être que l'homme de Néandertal. Donc là, c'est passionnant. C'est eux qui pénètrent au fond des grottes les premiers. En fin de compte, c'est pas sapiens comme on l'a toujours cru. Parce que les hommes de caverne, non. Ce n'est pas des hommes de caverne. Néandertal, même les sapiens, ne sont pas des hommes de caverne. Ils vivent devant, à l'entrée. Et sapiens, justement, allait au fond de certaines grottes pour peindre. Mais on ne connaissait pas ça, Néandertal. Et Néandertal, il a fait la même chose. Évidemment, il a papa, mais lui, il a disposé des stalagmites. Déjà, il faut les casser. Hein. Et puis, les disposer. Et la seule chose qu'on a retrouvée, des traces de foyers. C'est les foyers, d'ailleurs, qu'on a datés. Rien d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas un lieu où ils vivaient. On aurait, sinon, des traces de cuisine avec des os d'animaux. On aurait des endroits où ils taillaient leur ciel. Rien du tout, là. Donc, probablement, c'est un lieu qui est lié à autre chose que la subsistance quotidienne. On est là peut-être, alors c'est très compliqué pour nous parce que nous c'est un contexte qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas des Néandertaliens, on ne sait pas quelle était leur cosmogonie, comment ils voyaient le monde. Mais pour moi, on est plus de l'ordre du symbolique, on est plus de l'ordre du rituel que de simplement la subsistance, l'habitat. Donc c'est énorme. Comme découverte, pour moi, c'est une des plus intéressantes découvertes jusqu'à présent sur l'homme de Néandertal. The young king sings a song for the lover, the leaver, the lonely and light. Young love, wait, if I can, then I'll meet you at the gate of St. Peter. When the fever takes my mind, my God, she came singing my name. Sounded like rain on the mountain while burning alive. Young flame burns soft as a candle, lit between our two hearts. Beats a ball in the dark. Spend my summer riding high on the whiplash and back. C'était Fever Pitch par Rainbow Kitten Surprise. Les aventuriers sur France Inter. Grâce aux récentes découvertes, on commence à entrer dans l'intimité de Néandertal. On sait par exemple ce qu'il mangeait, mais de nombreuses questions demeurent. Les femmes chassaient-elles? Et comment a-t-il disparu? Marilène Patoumatis, préhistorienne. Il y a beaucoup de choses à savoir sur Néandertal. Moi, je suis impressionnée par l'accélération des informations par rapport à lui. Presque, j'exagère un peu, mais presque tous les jours, on a un scoop, quoi. Voilà, on découvre maintenant qu'il n'avait pas seulement, c'était pas seulement un mangeur de viande, mais qu'il mangeait aussi des variétés importantes de végétaux. Donc ça, c'est formidable parce que le végétal ne se conserve pas. Et donc, et aussi, et ça, on le retrouve comment ça? En étudiant les dents? Alors, pour les végétaux, maintenant, grâce à ces analyses que l'on peut faire actuellement, notamment sur le tartre, hein, on va analyser ce qui est les micro-micro-résidus sur le tartre, et ben voilà, on s'aperçoit qu'il mangeait même des rhizomes de nénuphar. Vous voyez, ben, je savais même pas que ça se mangeait. Voilà, il a mangé des graminées sauvages, même cuites. Alors, vous imaginez, l'image de Néandertal a complètement changé. Avant, on le voyait en train de manger un morceau de bison sanglant, la viande, un gros morceau de viande sanglante. Et là, d'un seul coup, il fait des galettes de graminées sauvages. Donc, c'est vrai qu'on n'a plus tout à fait la même image. Donc, ça a beaucoup changé. Et non seulement ça, mais aussi dans la connaissance de ces plantes, d'un seul coup, on s'aperçoit là aussi qu'il utilisait des plantes médicinales. Il se soignait avec des plantes médicinales. Vous vous rendez compte? À El Cidrón, par exemple, c'est un site espagnol où nous avons beaucoup de restes de néandertaliens. Et là, on s'est aperçu qu'il prenait des plantes, récoltait et consommait des plantes amères, comme les camomilles, pour se soigner. Et en plus, un qui avait un abcès dentaire, lui, il a été manger des moisissures. Il y avait des moisissures, il y avait de la pénicilline dedans. On sait retrouver tout ça aujourd'hui. Et on sait retrouver tout ça aujourd'hui. Donc ça nous donne évidemment une autre image de Néandertal. Je crois que c'est ça l'évolution des sciences. On a d'autres moyens d'investigation, on a d'autres moyens d'études. C'est pour ça qu'on trouve des choses extraordinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Néandertaliens ont vécu très longtemps. Ils ont vécu 350 000 ans, voire plus pour certains collègues. Du Pays de Galles jusqu'en Ouzbékistan et en Sibérie, hein, dans l'Altaï, et le Proche-Orient. Donc vous voyez, c'est quand même une grande distance. Et là, 350 000 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont connu tous les climats. Et si on sait beaucoup de choses au niveau de leur vie quotidienne, au niveau des structures sociales, des sociétés néandertaliennes, on a beaucoup plus de difficultés pour les mettre en évidence. Mais là encore, on a la chance avec l'ADN ancien d'avoir des renseignements vraiment de première importance. Par exemple, à El Cidrón, qui se trouve en Espagne, on a découvert sur ce groupe une douzaine de personnes qu'ils étaient apparentés et que leur système était patrilocal. Les femmes quittent leur groupe de naissance pour aller dans un autre groupe, pour aller chercher des partenaires dans un groupe. Donc ça, c'est intéressant. Et ça, c'est quelque chose qui s'est pratiqué encore très, très longtemps. Il y a eu encore beaucoup de les filles qui partent pour aller ailleurs. Donc ça, c'était une donnée importante. Quand on regarde, par exemple, au niveau des morphologies hommes-femmes, on s'aperçoit qu'il y a un dimorphisme sexuel, évidemment, assez marqué. Mais lorsqu'on regarde la musculature, notamment au niveau des humérus, on a des insertions chez les femmes musculaires qui sont extrêmement puissantes. Donc elles étaient très très musclées. Les femmes néandertaliennes donc étaient très sportives, si j'ose dire, très robustes, et probablement qu'elles devaient chasser, contrairement à ce qu'on pense. 27 juillet 2009, une archéologue se souvient de la découverte de Pierrette, le squelette d'une néandertalienne découverte à Sainte-Césaire, en Charente-Maritime, en 1979. Pierrette a été découverte la dernière année où on devait fouiller. C'était une fouille de sauvetage. Donc, 8 jours avant la fermeture de cette fouille de sauvetage, on s'est mis à aller un petit peu plus vite et tout d'un coup, on trouve une dent humaine. Alors là, on a ralenti, on s'est mis à fouiller très consciencieusement et est apparue la main de Pierrette. La main de Pierrette qui était exactement la mienne, je me posais dessus, j'avais les mêmes os. C'était le rêve de tout le monde, hein. Trouver notre grand-mère, c'était fabuleux. Pendant que Néandertal vit en Europe et jusqu'en Ouzbékistan, est-ce qu'il y a d'autres espèces humaines ailleurs ? Néandertal, l'Eurasie, le Proche-Orient. Mais ailleurs, dans le monde, évidemment, il y a d'autres hommes. Donc nous avons en Chine les derniers Homo erectus évolués. Nous avons les premiers Homo sapiens. Nous avons, parce que c'est sur 350 000 ans, hein, donc il y a tout ça qui va succéder aussi dans les autres régions. Nous avons le fameux homme de Flores, le petit hobbit, donc qui vivait en Indonésie. Nous avons évidemment, là aussi, je reviens à l'Eurasie. Nous avons dans une grotte non seulement des Néandertaliens, mais aussi le fameux homme de Denisova, quasiment inconnu, parce qu'on n'a quasiment pas de reste. On l'a fait surtout une découverte au niveau de l'ADN. En Afrique, évidemment, là aussi, nous avons d'autres hommes, notamment les hommes modernes. Ils ne sont pas tout seuls. Quand on parle de l'homme moderne, Marilène Patoumatis, c'est Homo sapiens. Oui. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a, nous, une facilité à dire homme moderne sans penser que c'est les hommes actuels. Pour nous, on dit homme actuel, c'est nous. Et les hommes modernes, et c'est Homo sapiens, évidemment. 8 juin 1974, la Tribune de l'Histoire, André Castelot. L'homme de Cro-Magnon, c'est l'Homo sapiens. Cette race de Cro-Magnon, disons que nous en sommes. C'est notre race. Si nous avions rencontré Place de la Concorde un homme de Cro-Magnon, et s'il était habillé comme nous, bien nous aurions dit, voilà un homme très athlétique, c'est certainement un champion. Mais nous sommes des hommes de Cro-Magnon. Il y a à peu près 30 000 ans, l'homme de Néandertal s'est trouvé donc confronté à cette race nouvelle de Cro-Magnon qui ne descend pas. Il ne faut pas croire que l'homme de Cro-Magnon descend de l'homme de Néandertal. Pas du tout, ce sont des races parallèles. Et l'homme de Néandertal disparaît. Pourquoi disparaît-il ? Eh bien, on ne le sait pas en vérité. On pense que l'homme de Néandertal étant un spécimen plus arriéré, est-ce que l'homme de Cro-Magnon a exterminé l'homme de Néandertal ? On l'a dit, c'est très discuté, c'est très discutable. 7 mai 2010, journal de 8 heures, Sophie Bécherel. Un mariage mixte à l'époque de la préhistoire ou une simple coucherie à l'ombre d'une caverne? On n'était pas là pour le savoir, toujours est-il qu'il y a 50 ou 80 000 ans, une néandertalienne et un homo sapiens ont, selon toute vraisemblance, passé quelque temps ensemble et par la même occasion brassé leurs gènes. Jusque-là, on pensait le contraire, ces deux espèces distinctes n'auraient pas été capables d'avoir des descendants ensemble. Selon l'étude publiée par Science, c'est quand les premiers homo sapiens sont sortis d'Afrique, le berceau de l'humanité, que le transfert génétique a eu lieu. En effet, on ne retrouve des gènes de Néandertal que chez les Européens et les Eurasiens, pas chez les Africains. Alors, la disparition de l'homme de Néandertal pose de plus en plus de problèmes. Nous avons maintenant des résultats incroyables au niveau génétique. Donc, nous sommes porteurs encore de ces gènes. Donc, on a tous quelque chose de Néandertal quand on est eurasiatique. Et la question se pose, c'est justement, Qu'est-ce que ça veut dire, à ce moment-là, la disparition? Il y a plein d'hypothèses qui ont été formulées. On pense beaucoup à un problème de démographie. D'après, là aussi, la génétique, les Néandertaliens avaient été, au niveau de la diversité génétique, étaient faibles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient peu nombreux. Et c'est vrai, pour couvrir toute l'Eurasie, le Proche-Orient, bon. Et au niveau de la démographie, c'était déjà assez faible. Et à partir de 50 000 ans, les généticiens ont montré qu'il y avait déjà une baisse de la diversité génétique, donc une baisse de la population. Donc, ça s'est engagé avant l'arrivée des sapiens, qui se situe vers 43-45 000 ans. Donc, c'était déjà un peu engagé. Donc, ils n'étaient pas très nombreux. Et on pense qu'à un moment donné, la baisse a été fatale. D'autant qu'il ne faut pas oublier que peut-être, là aussi on discute, parce que les croisements entre les sapiens et les Néandertaliens auraient eu lieu au Proche-Orient. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est vu le nombre de gènes qui nous restent, là aussi c'est des croisements importants de population, c'est pas un viol dans un coin. Donc ça c'est très important, c'est quelque chose qui serait passé au Proche-Orient vers 80 000 ans. Et donc, des hommes modernes, sapiens porteurs de gènes néandertaliens auraient migré donc en Europe, et peut-être pour certains collègues il y aurait même eu des croisements en Europe. On attend de voir des métis, on n'en est pas sûr, il y a discussion. Mais ce qui veut dire que les Néandertaliens donc se seraient en plus mélangés à des sapiens, et les enfants se seraient mélangés qu'à des sapiens, etc., etc. Donc à un moment donné, dans le génome même des hybrides, il restait presque plus de gènes néandertaliens. Ce qu'on appelle un peu dilué, la dilution génétique. On a tous un peu de Néandertal dans nos gènes. Néandertal et sapiens se sont croisés, alors est-ce qu'on peut parler d'espèces différentes? Ça, c'est la vraie question. Et actuellement, il y a vraiment des débats, il y a vraiment de grandes écoles. Ceux qui pensent, en fin de compte, que les hommes de Néandertal étaient de la même espèce, c'est-à-dire des homo sapiens, néandertalensis, c'est-à-dire qu'une sous-espèce différente. Et d'autres maintiennent que c'était vraiment une espèce différente, que ça ne suffit pas à montrer qu'il y avait, que c'était seulement une sous-espèce, que c'était la variabilité de l'homme moderne, de nous. Il y a vraiment les deux écoles, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travaux, beaucoup de réflexions qui vont plutôt peut-être dans la direction d'une seule espèce. Quand on regarde ce qui différencie l'homme de Néandertal de Homo sapiens, on s'aperçoit qu'il y a bien entendu des critères anatomiques. Par exemple, tout le monde a en mémoire le crâne volumineux de Néandertal, c'est-à-dire un peu un crâne en ballon de rugby, ses arcades extrêmement développées au-dessus des orbites, le front qui fuit vers l'arrière, la face légèrement en avant, ce qu'on appelle prognathe, l'absence de menton, voilà, tout le monde a ces images. Mais la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est significatif? Est-ce que ces caractères sont suffisants pour distinguer les Néandertaliens au niveau spécifique des hommes modernes? Vous voyez qu'il faut faire aussi attention. 8 juin 2017, c'est sur le site archéologique de Djebel Irhoud, au nord-ouest du Maroc, qu'ont été retrouvés des mandibules, des morceaux de crâne ou encore un humérus provenant de 3 adultes, un adolescent et un enfant. 22 fossiles, dont certains d'excellente qualité. Pas de doute pour le paléo-anthropologue Jean-Jacques Hublin, auteur de la publication, il s'agit du plus vieil Homo sapiens jamais découvert. On a certains aspects de ces crânes qui sont très proches de la morphologie moderne, en particulier la face, qui est la face de quelqu'un qu'on pourrait croiser aujourd'hui. Par contre, la boîte crânienne, elle reste assez allongée, assez basse. C'est un cerveau qui est beaucoup moins globulaire dans sa forme. C'est grâce à la thermoluminescence, une méthode complexe de datation sur des silex brûlés, que l'équipe de scientifiques a évalué à 300 000 ans l'âge de ces fossiles. Une datation d'une extrême importance pour Yves Coppens, le papa de Lucie. L'avantage d'Irhoud, c'est que c'est le premier fossile d'Homo sapiens très ancien dont la datation soit véritablement démontrée. Donc 300 000 ans donne un point de départ pour réestimer tous les Homo sapiens archaïques. Autre enseignement capital, le berceau d'Homo sapiens n'est donc pas en Afrique de l'Est. Cette découverte au Maroc montre que nos ancêtres s'étaient éparpillés sur tout le continent africain, avant que leur morphologie n'évolue vers l'homme d'aujourd'hui. Alors c'est quand même quelque chose d'intéressant, parce que, grande question, est-ce que c'est simplement un déficit de découverte? qui fait qu'on n'a pas en Afrique de l'Est ou en Afrique du Sud des fossiles de sapiens aussi vieux. On se pose beaucoup de questions, mais c'est une découverte très intéressante. Et je crois que les choses vont se poursuivre parce que justement, on va travailler, ils vont travailler sur les liens, notamment aussi avec... notamment en Israël, là aussi une nouvelle découverte, hein, un sapiens en Israël, donc là on est au Proche-Orient, 180 000. Donc là on va discuter sur la présence des Néandertaliens et des sapiens dans ces régions du Proche-Orient et de leur croisement donc à ces périodes-là. Iceland's Blues, Anne Brun et Coupe sur France Inter. Les loups. Est-ce qu'elle est là ou loin encore? Plutôt vers toi ou plutôt vers le nord? Je regarde. Homo sapiens a eu des pensées symboliques, nous le savons, Il en a laissé des traces. Depuis quelques mois, les scientifiques pensent même qu'il a pu peindre dans les grottes. D'ailleurs, cela ne fait pas si longtemps que l'on accepte l'idée que les hommes préhistoriques aient pu être des artistes. Marilyn Patoumatis, préhistorienne. Alors là, il y a eu, peut-être c'est un des débats les plus importants, à propos de l'homme de Cro-Magnon, on va dire, de l'homme fossile sapiens. Est-ce qu'il a des pensées symboliques? Oui, oui, il enterre ses morts. Mais est-ce qu'il est un artiste? Parce que là aussi, c'est un critère pour beaucoup. C'est un critère d'humanité. On va découvrir, donc, en Espagne, la grotte d'Altamira. Donc, c'est une grotte merveilleuse où il y a un célèbre plafond magnifique avec des bisons. Très, très beau. On a cette découverte qui, en fin de compte, va entraîner, on va dire, une querelle très forte autour du justement, est-ce que c'est vraiment les hommes préhistoriques qui ont peint Altamira? C'est trop beau. Là, on est à la fin du 19e. Voilà, presque à la fin du 19e, parce que là aussi, pendant ces années, il va falloir attendre 1902 pour qu'on accepte que les hommes préhistoriques soient des artistes. C'est le fameux, célèbre mea culpa de Émile Cartaya, qui était un grand préhistorien du Sud-Ouest. Et Émile Cartaya va faire ça en disant « Je reconnais que je me suis trompée parce qu'il était un adversaire au départ et que vraiment, Altamira a bien été peinte par donc des Cro-Magnons. » Ce qui est formidable, que ce soit Altamira ou à Lascaux, que j'ai eu la chance de visiter, ou à Chauvet, dans toutes ces grottes, on ne peut pas être indifférent. C'est-à-dire que quand on rentre, on a déjà cette émotion de voir ces animaux. Et là, je vous parlais du plafond là, d'Altamira. C'est extraordinaire avec ces bisons peints. On a l'impression qu'ils courent, qu'ils galopent. Enfin, on est saisi par la force de ces représentations dans une atmosphère intime presque. On est quand même dans le ventre de la terre. 26 septembre 1948, Michel Droit décrit la grotte de Lascaux. Et maintenant, nous allons nous avancer dans la grotte. Et sur ces pierres, sur ces parois rocheuses, des fresques de peinture absolument étonnantes, je devrais dire, vraiment abasourdissantes de vérité et de conservation. Voici ici un auroch peint en noir et en rouge, poursuivi par des chevaux. Je m'approche d'une autre fresque un petit peu plus loin qui représente des cerfs d'un délié et d'une finesse extraordinaire. Voici un combat de rennes, là. Voilà des gravures dans la pierre également. Mais ce qui est vraiment fantastique, c'est la conservation et la pureté des traits de tout cela. On dirait vraiment que cela a été peint il y a 40 ou 50 ans. Là devant nous, dans le roc, prennent leur départ deux galeries dont tout le parcours n'est d'ailleurs pas complètement exploré. Et c'est de l'une de ces galeries que l'abbé Breuil a dit qu'elle était véritablement la chapelle Sixtine de l'art pariétal. D'après le célèbre préhistorien l'abbé Breuil, dans les années 50, ces gens qui ont peint il y a 17 000 ans, Lascaux, étaient des chasseurs. C'est vrai qu'à cette époque-là, ce sont des chasseurs, chasseurs-cueilleurs. L'animal est important, on le voit, puisque les représentations dans l'art, ce sont majoritairement les animaux, les humains sont très rares. Les plantes, n'en parlons pas. Pas d'étoiles, pas de soleil. Bon, c'est vraiment l'animal. Donc c'est vrai que l'interprétation de l'art comme étant quelque chose qui est lié à la magie de la chasse, des rites qui permettent que le chasseur soit vainqueur de l'animal, etc. Donc bien sûr, mais ça a pu, si vous voulez, exister dans certains groupes. Pourquoi pas? Alors moi, ce que je souhaiterais dire, c'est qu'en fin de compte, si on prend la date de Chauvet, qui est actuellement apparaît comme la plus ancienne, 36 000 ans pour certains. Et donc c'est sur une grande période, 36 on va dire jusqu'à 15, 14 000 ans, moins. Il faut faire très attention de ne pas vouloir télescoper ce temps. Je pense que ceux qui ont peint Chauvet, 36 000 ans, ceux qui ont peint Lascaux, 17 000 ans, ce n'est pas les mêmes. Je ne parle pas au niveau, ce sont tous des homo sapiens, et ce sont tous peut-être des chasseurs de rennes ou des chasseurs pareils, des grands chasseurs, tout. Mais n'empêche qu'ils n'ont probablement pas les mêmes traditions, la même vision du monde, les mêmes mythes. Donc je pense qu'il faut être très prudent et ne pas télescoper tout. Donc je crois que c'est intéressant de bien faire attention à la période. et de pas vouloir dire ils ont tous fait pareil. Ça, l'art de la chasse a peut-être existé à un moment donné dans certains groupes. Des rites initiatiques, notamment pour les adolescents, passage à l'âge, ça a pu exister. L'animisme, aller dans la grotte avec accompagné d'un chaman, tout ce que vous voulez, pourquoi pas. Donc je pense que peut-être qu'il y a eu plusieurs motivations selon les groupes. Et pour moi, ça c'est important de tenir compte de ça. Il y a 10 000 ans, l'homme commence à pratiquer l'agriculture et l'élevage. C'est la révolution néolithique. C'est quelque chose qui est incroyable. Enfin, c'est-à-dire que c'est un bouleversement. Après, il y aura le deuxième qui sera vraiment la période industrielle. Donc, il sera au 19e. Puis maintenant, on est peut-être dans là aussi un nouveau changement avec le numérique. Mais là, c'est radicalement différent. On passe de société chasseur, cueilleur, nomade. Et là, on va rentrer dans autre chose. Il va se passer un phénomène précurseur, c'est la sédentarisation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que cette sédentarisation va produire une augmentation de la démographie locale. C'est-à-dire que là, il va y avoir trop de monde. On était avant avec des groupes de 30-50. Là, d'un seul coup, ça va augmenter. Alors, on ne peut pas savoir exactement combien, mais toujours est-il que ça va provoquer une augmentation vraiment importante. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, ça ne va plus. L'économie de prédation, de chasseurs-cueilleurs ne fonctionne plus. Donc, là, il va y avoir aussi la recherche d'autres choses, d'autres moyens de se nourrir. Et probablement qu'il y avait déjà des prémices, le fait de parquer des animaux, déjà ça a peut-être fait penser qu'on pouvait avoir des animaux domestiques sans qu'ils sachent que c'était des animaux. Donc il y a eu peut-être des réflexions sur ça, hein, puisqu'on sait que le chien, par exemple, a été domestiqué par les paléolithiques, donc par les chasseurs-cueilleurs du paléolithique. Mais toujours est-il, c'est très important, c'est un changement, parce que là, ils vont devenir les producteurs, agriculteurs, éleveurs, ils vont construire des villages plus importants, ils vont commencer à stocker la nourriture, donc ça veut dire qu'ils vont mettre des palissades, ils vont commencer à se protéger, et là, d'un seul coup, la structure sociale va changer, on va passer probablement d'une structure qu'on va dire égalitaire, de collaboration pour la chasse, de partage du gibier et tout, à un autre modèle, qui va être peut-être basé sur l'apparition d'une élite avec des castes, puisqu'il y a du surplus alimentaire. Donc ce surplus alimentaire, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on va commencer à commercer, à échanger des biens, mais tout ça, il faut gérer. Donc il y a une espèce d'élite qui se met en place, de chef. On voit très bien dans la rupestre, d'un seul coup, on voit des personnages qui sont beaucoup plus grands que les autres, souvent d'ailleurs armés, donc ce sont des chefs de guerre. Donc, on a vraiment un changement très important. Donc, on est dans un autre univers, dans un autre monde. Et là, on va basculer parce que les champs, il faut les cultiver. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il faut de la main-d'œuvre. Et quand on n'en a pas, eh ben, on va aller la chercher. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des hommes qui vont aller chercher, donc des guerriers. Et on va faire des esclaves. 4500 ans, on a des traces d'esclavage. Donc, on a vraiment quelque chose qui est complètement bouleversé. On ne peut pas, quand on travaille sur ces périodes, des plus anciennes aux plus récentes, je crois qu'il ne faut pas vouloir les hiérarchiser. Je crois que c'est une erreur scientifique, mais aussi même d'éthique. C'est-à-dire qu'on n'a pas à juger. Chaque période, il y avait des humains, il y avait qui ont répondu aux problèmes de leur temps et qui, tous ces hommes qui vivaient avant nous, en fin de compte, n'étaient pas inférieurs, pas non plus supérieurs. Ils sont différents points. Ne pas comparer avec nous, ne pas dire il y a moins de technologies, sont moins évolués que nous, moins civilisés. Pour mieux connaître Néandertal, il y a Néandertal l'Expo à Paris, au Musée de l'Homme, et le livre de Marilène Patoumatis, Néandertal de A à Z, 600 pages passionnantes à picorer, paru chez Alary Éditions. Un chapitre des grandes épopées qui ont fait la science, édité par Flammarion en partenariat avec France Inter, est aussi consacré aux origines de l'homme. Cette émission, comme tous les aventuriers de l'été passé et à venir, est à votre disposition en podcast sur le site de France Inter. Clé Clément Baudet réalise Les Saventuriers. Irène Menahem a préparé cette émission. À la programmation musicale Djoubaka, à la prise de son, il y avait Raphaël Rousseau et Pierre Faucillon. Au mixage, Benjamin Orgeret. Merci aussi à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. La semaine prochaine, nous parlerons de météo et de climat.